Bienvenue dans le podcast du blog Moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et surtout bonne année. Voici un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, le thème va être les objectifs de 2017. Pour ceux qui suivent le podcast Moptimize et le site, vous avez pu voir la semaine dernière le bilan de 2016. Comme vous pourrez le voir, je suis plutôt content de tout ce que j'ai pu faire, que ce soit sur le site, la newsletter, le podcast. En 2016, j'ai eu un gros focus en 2016 sur tous ces différents médias avec une présence toutes les semaines. Et pour l'année 2017, plusieurs objectifs pour ce qui concerne le site, la newsletter, le podcast. Je vais plutôt partir sur une présence de tous les 15 jours. Je ferai plus, bien évidemment, si c'est possible. Mais l'idée étant de me focaliser sur d'autres choses. J'en reparlerai sur la partie personnelle et professionnelle. Et également de vous proposer peut-être du contenu un peu plus fouillé, un petit peu plus réfléchi. Donc il faudra peut-être vous attendre, voilà, avoir une présence un petit peu moins importante que ce que j'ai pu faire pour 2016. Malgré ça, j'aimerais continuer à augmenter la fréquentation du site, de la newsletter, du podcast. Je savais pas trop comment placer la barre, donc je suis parti sur une augmentation de 50%, ce qui fait, au vu des chiffres que j'ai mis dans le bilan, environ 12 000 vues, ce qui fait 9 000 visiteurs uniques sur le site, eu un petit peu moins d'une cinquantaine d'abonnés à la newsletter et 10 000 écoutes du podcast. Ça paraît pas forcément beaucoup, mais couplé à une présence peut-être un petit peu moins visible et un petit peu moins fréquente, ça sera probablement un gros challenge pour moi de réussir à augmenter de 50% la fréquence de vos visites, de vos abonnements et de vos écoutes. Et ce qui veut dire continuer à vous proposer, à vous qui me suivez déjà, du contenu de qualité et obtenir de nouveaux auditeurs, de nouveaux lecteurs. Voilà pour cette partie un petit peu chiffre. Comme vous avez pu le voir dans le bilan, j'aime bien le principe proposé par trucdeblogueuse.com qui propose 52 sujets de blog, de sites, un par semaine. Donc là, je suis en train de suivre le deuxième. Après, la liste est disponible. Donc après, j'ai regardé. Clairement, je ferai pas l'ensemble des 52 semaines. Surtout, de toute façon, si j'ai une présence tous les 15 jours, je pourrais pas être présent toutes les semaines. Donc le but étant d'en suivre un maximum, de suivre ceux qui m'intéressent, de les aborder dans les différents formats, que ce soit un article sur le site, que ce soit mentionné dans la newsletter, que ce soit comme aujourd'hui une partie du podcast, que ce soit un sujet de discussion abordé également dans ReLife. Donc je vais continuer à y participer à ma manière, à ma façon. Et le dernier objectif lié au site newsletter et podcast, c'est continuer à participer au podcast ReLife. Et si l'occasion se présente, pourquoi pas participer également à d'autres podcasts. Le format audio est un format très très agréable pour moi. Et à côté de ça, côté personnel, professionnel, comme vous l'avez vu, le site et le podcast prendront un petit peu moins de place pour moi. Je pense que personnellement, j'aurai un focus un petit peu plus professionnel. Comme j'ai pu prendre en main le site, le podcast, mes choix de sujets, de travailler, j'aimerais prendre en main un peu plus mon avenir professionnel d'une manière ou d'une autre, Donc je pense que ça sera une grosse partie de mon temps cette année. Et dans les choses plus personnelles, avec ma compagne, on va essayer d'avoir une alimentation un peu plus saine. On a acheté un cuit vapeur, donc on va faire un certain nombre de cuisines avec moins de matières grasses. Et également, continuer à profiter de la famille, profiter du fait que les enfants grandissent et qu'on puisse faire plus de choses avec eux sans avoir à trimballer dans la voiture, dans le train ou voilà la moitié de sa maison. Et comme on a pu le dire dans Nip Life, dans Real Life, et comme je peux le dire de temps en temps dans M'Optimise, le but étant de maintenir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa présence sur Internet. Donc je serai là cette année pour vous, pour produire du contenu, que ce soit sur le site, que ce soit avec la newsletter, que ce soit avec les podcasts. Et après, c'est du contenu que je vais produire, que je peux produire avec votre aide, avec vos feedbacks, avec vos retours. Donc merci à Yves qui m'a fait un retour sur le bilan de l'année 2016, et continuez à me faire des retours, continuez à me faire des propositions de sujets, de choses à discuter. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, continuez à vous abonner sur Twitter @spekemi et sur Facebook sur la page podcast de Mika. Comme ça, vous aurez toutes les dernières informations me concernant, que ce soit des nouveaux articles sur le site, la publication d'une newsletter. Allez également vous y abonner si vous n'y êtes pas encore abonné, et la publication de nouveaux podcasts. Et donc je vous dis à très bientôt.